Donc ça implique le fait qu'il existe d'autres modèles, d'autres manières de gérer le personnel. Alors, de nouveau, Mintzberg. Alors, on a vu précédemment l'hypothèse de congruence. Mintzberg propose une deuxième hypothèse qui est l'hypothèse de configuration. Et cette hypothèse de configuration, il l'exprime de la manière suivante. Pour qu'une structure soit efficace, il faut qu'il y ait une cohérence interne entre les paramètres de conception. Et en principe, maintenant, ça devrait être clair pour vous, puisque vous savez ce qu'est un paramètre de conception. Est-ce que ça vous paraît clair ou pas? C'est un silence approbateur, hésitant. Vous pourriez donner un exemple? Est-ce que vous pourriez me donner un exemple? Oui, moi je peux vous donner un exemple. Mais vous, est-ce que vous pensez à quelque chose? Peut-être une entreprise qu'en envisageant une adéquation à une nouvelle configuration globale qui se développe. Incentive ses employés à apprendre le chinois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que dans ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, il y a cette idée de configuration globale. Je pense que c'est important parce que l'idée, quelque part, c'est d'avoir une cohérence forte. Une configuration globale qui soit sans tâche, si vous voulez, qui soit bien construite. Je ne sais pas si ça clarifie le propos. Non ? Bon, si vous voulez un modèle, on pourrait dire que... Donc quand je parle de modèle, ce n'est pas dans le sens d'exemple à suivre. Ce n'est pas ça que je veux dire. Un modèle, ce n'est pas quelque chose sur lequel on devrait s'ajuster. C'est pas ça. L'idée de modèle, c'est dans une conception systémique, et c'est pour ça que j'aimais bien votre idée de configuration globale, parce que elles se rejoignent. Donc, la conception systémique veut que un système est composé de sous-systèmes. Ces sous-systèmes sont en interaction, s'il vous plaît, les uns avec les autres. Donc, sont en interaction les uns avec les autres. Et ces interactions, si vous voulez, doivent être cohérentes et doivent renforcer la pertinence du modèle. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de tâche, si vous voulez. Le modèle, c'est renvoie une image cohérente de quelque chose. Donc je peux vous vendre une solution plus pertinente par rapport à une autre, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, quand je parle de modèle, c'est d'attirer votre attention sur la manière dont les choses sont construites. S'il y a des incohérences, eh bien, ça ne va pas. Je veux dire, ça ne renvoie pas à cette image de modèle. Et donc, cette cohérence, ici, Mintzberg nous dit qu'elle doit se faire au niveau des paramètres de conception. Et on a vu, juste avant la pause, que paramètres de conception, c'était des leviers d'action. Et on a vu que on devait traduire ça pour adapter le propos de Mintzberg à la réalité de la gestion du personnel. On devait dire que, on devait changer le paramètre de conception par politique et pratique en matière de gestion du personnel. Donc je vous relis l'hypothèse adaptée. Pour qu'une organisation soit efficace, il faut qu'il y ait une cohérence interne entre les politiques et les pratiques de gestion du personnel. Ces cohérences, c'est par exemple si je vous évalue, eh bien, ça doit avoir un impact sur votre rémunération. Voilà. S'il vous plaît. Si je veux individualiser, si mon discours c'est un discours qui dit qu'il faut individualiser, je dois mettre en place des outils qui individualisent. Donc c'est ça, cette idée de il y a des liens entre les différents aspects qui relèvent la gestion du personnel, rémunération, recrutement, formation, etc. Tout ça, ce sont des sous-systèmes d'un système global. Et ces sous-systèmes, je dois les articuler de manière cohérente, de manière logique. Je vais prendre un exemple qui est relatif à ce qui se passe dans cet auditoire. Si je vous invite à participer, il faut que je vous pose à certains moments des questions. Et si certains d'entre vous répondent, il faut quelque part que je sois soutenant, encourageant par rapport à la prise de parole. Si je vous traite de tous les noms d'oiseaux, ça ne vous encourage pas à participer. Si quand je vous pose une question, je ne vous laisse pas le temps d'élaborer une réponse, ça ne vous encourage pas à participer. Donc il y a cette idée de dire voilà, je dois créer structure, je dois faire structure, et donc je dois faire cohérence entre les différents aspects qui relèvent de la gestion du personnel. C'est en ça que l'hypothèse de Mintzberg, je pense, est intéressante, parce qu'elle met l'accent sur la gestion du personnel comme étant un système qui articule des sous-systèmes qui sont plus ou moins interconnectés les uns aux autres, et que ma responsabilité, c'est de créer une cohérence. S'il n'y a pas de cohérence, dit Mintzberg, il y a perte d'efficacité. Je me rends bien compte que si je ne suis pas cohérent avec mon objectif de pédagogie participative interactive, ben vous serez de moins en moins participatif, de moins en moins interactif. Donc il y a là un enjeu important. Je vais construire l'exposé autour de trois modèles de base. Alors, le modèle arbitraire, le modèle bureaucratique et le modèle de la GRH. On se posera la question de savoir s'il existe d'autres modèles, et la réponse sera oui, mais on le parcourra de manière beaucoup plus rapide. Alors pourquoi j'ai choisi ces trois modèles? Pour deux raisons. Je pense qu'il y a d'abord un fil conducteur qui renvoie à l'histoire, à la chronologie. Et puis une deuxième raison qui renvoie à ce que j'ai appelé la couverture, on pourrait dire le taux de couverture. Donc dans quelle mesure ces modèles couvrent bien ce qui est à l'œuvre au niveau des pratiques dans les organisations. Alors, au niveau historique, je pense, et donc c'est bien sûr discutable, mais que ces modèles sont apparus à des moments différents, et que le modèle bureaucratique est une réponse au dysfonctionnement, aux problèmes posés par le modèle arbitraire. Je pense fondamentalement que le modèle de la GRH est une réponse aux problèmes posés par le modèle bureaucratique. Donc il y a une histoire en trois temps, si vous voulez. Le premier temps, je pense que vous aviez parlé de la révolution industrielle passer. Le premier temps, c'est celui d'une gestion arbitraire. Le deuxième temps, c'est le temps d'une gestion bureaucratique. Et le troisième temps, c'est le temps de la GRH. Et pour moi, fondamentalement, l'émergence des modèles bureaucratiques a été une réponse aux limites, au dysfonctionnement du modèle arbitraire. Est-ce que ça a totalement fait disparaître l'arbitraire? Non. Mais ça a réduit, si vous voulez, sa présence. Fondamentalement, le modèle de la GRH est une réponse aux problèmes, aux limites du fonctionnement bureaucratique. Donc il y a une histoire, 3 temps dans cette histoire, et le fait que les modèles ultérieurs ont été construits en réaction par rapport à une situation passée et présente. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend ces 3 modèles, on couvre une partie très importante de la réalité à l'œuvre en matière de gestion du personnel dans les organisations. Le seul bémol que j'ai un peu par rapport à ça aujourd'hui, c'est à la place prise par un modèle qui n'est pas repris ici. Et ce modèle, c'est celui de la GRH, si vous voulez, dual, ou la GRH en lien avec l'entreprise réseau. Mais je vous en dirai un mot par la suite. Alors, comment caractériser ces modèles? Donc, j'ai essayé de prendre un certain nombre de paramètres, de dimensions, et de passer, si vous voulez, chacun de ces 3 modèles en revue par rapport aux dimensions retenues. Alors, je pense que la première dimension qu'on peut relever, c'est la conception du travailleur. Alors, je vous l'ai dit, je pense que fondamentalement, le modèle de la GRH, dans sa forme, dans son expression, si vous voulez, la plus pure, eh bien, présente le travailleur comme étant un potentiel. Avec une responsabilité importante, je l'ai souligné déjà, c'est le fait que si je considère que vous êtes des potentiels, je dois mettre en place une politique qui vous permet d'exister en tant que potentiel. Donc je dois sans doute vous donner de l'autonomie, je dois sans doute vous permettre de vous impliquer, je dois sans doute vous permettre de prendre des initiatives, d'être créatif, etc. Le modèle bureaucratique, historiquement, a tendance à considérer le travailleur comme étant un rouage qui est à l'œuvre dans une organisation, et l'organisation est conçue comme étant une structure mécanique. Si vous Je pense que l'image qui correspond bien à ces structures mécaniques, c'est les anciennes horloges. Vous avez les anciennes horloges avec les rouages, et chaque rouage est adapté minutieusement pour que l'ensemble tourne de manière adéquate. Donc aujourd'hui, avec l'électronique, l'image n'est plus bonne, mais si vous avez une vieille montre et que vous ouvrez cette vieille montre, eh bien, vous allez tomber sur ces rouages qui s'articulent les uns dans les autres. Et je pense que fondamentalement, le modèle bureaucratique a conçu le travailleur comme étant un rouage. C'est-à-dire, si vous voulez, un individu qui n'avait pas d'épaisseur particulière, pas de personnalité, si vous voulez. C'était, en quelque sorte, au travailleur à se mouler dans la réalité de l'organisation. À votre avis, cette conception de l'organisation comme étant une l'OST, donc avec le Ford et... au moment de l'OST, avec Ford, Taylor, ils conçoivent l'organisation comme... c'est des ingénieurs. Taylor est un ingénieur et Ford, je pense, j'ai un doute maintenant. Mais c'est une science d'ingénieurs, fondamentalement, l'organisation scientifique du travail. Et donc l'idée, c'est qu'on peut concevoir l'organisation a priori. Et chaque individu, chaque service est un rouage d'une machinerie beaucoup plus grande. Alors, les fondements, si vous voulez, en termes de conception du modèle bureaucratique, renvoient à l'organisation scientifique du travail. Maintenant, en termes de période, je pense que le modèle bureaucratique a été le modèle dominant, je ne l'ai pas dit, je pense, a été le modèle dominant. En gros, durant ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire la période qui va de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 70. Et alors le modèle arbitraire, c'est le modèle d'origine, si vous voulez, c'est le modèle de départ, c'est le modèle qui est à l'œuvre, je pense, au début de la révolution industrielle. C'est le modèle qui émerge avec la révolution industrielle. Alors, quelle est la conception du travailleur? J'ai mis enfant, mais j'ai mis entre guillemets. Et donc, pourquoi je l'ai inscrit cette année-là? Parce que c'est beaucoup plus discutable. Et donc, cette idée du travailleur comme étant un grand enfant, elle renvoie, si vous voulez, aux conceptions paternalistes, aux politiques paternalistes développées par les entreprises. Le modèle paternaliste consiste à dire que l'entreprise doit s'occuper du travailleur pendant son temps de travail, mais aussi en dehors de son temps. Le travailleur, au début de la révolution industrielle, le prolétaire, c'est quelqu'un qui fait peur. C'est quelqu'un qui est considéré comme sans morale. C'est quelqu'un qui provoque des émeutes. Et donc il y a toute cette idée, quelque part, de moraliser la classe ouvrière à travers des politiques paternalistes. Ça renvoie au coron. Ça renvoie aussi aux cités-jardins. Dans certains écrits, on laisse sous-entendre que finalement, en permettant ou en offrant ou en mettant à disposition un bout de terre pour que l'ouvrier puisse faire son potager, eh bien, quand il fait son potager, il n'est pas à la maison du peuple en train de s'encanailler. Donc on voit bien que ce sont des dispositifs qui sont mis pour moraliser en quelque sorte la classe ouvrière, pour en tout cas l'écarter par rapport au mouvement syndical, par rapport aux organisations syndicales et aux partis politiques relevant du socialisme. Je vous signale aussi qu'il y a cette expression qui est quand même fortement présente de gérer en bon père de famille. Et que donc, à l'époque, on tablait beaucoup sur une gestion en bon père de famille. Et ça renvoie en quelque sorte au fait qu'on considérait l'organisation un peu à l'image d'une cellule familiale. Et qu'on attendait du père qu'il gère son organisation comme il gérait en quelque sorte, ou comme il se comportait à l'intérieur de la sphère familiale. Alors, le modèle arbitraire, on pourrait dire aussi, et vous pourriez le dire, que finalement, ça renvoie peut-être pas forcément à l'image de l'ouvrier comme un enfant, mais de l'ouvrier comme quelqu'un de soumis, comme quelqu'un de docile face à l'arbitraire. Donc voilà, on peut éventuellement réfléchir de cette manière-là, le modèle arbitraire aussi. Alors, les outils de gestion du personnel. La proposition que je vous fais, c'est de dire que, au niveau du modèle arbitraire, en règle générale, eh bien, le modèle arbitraire va de pair avec l'absence d'outils, l'absence de politique en matière de gestion du personnel. En fait, je pense que le modèle arbitraire renvoie à la toute-puissance du puissant. Le puissant, il peut vraiment être puissant dans une situation où il concentre énormément de ressources et où il n'y a pas de règle qui lui dit ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Le puissant, il est vraiment tout puissant dans un environnement où la loi, c'est lui qui l'a fait. Et il l'a fait en fonction de ses intérêts propres. Donc je pense que fondamentalement, le modèle arbitraire est un modèle qui renvoie à l'absence ou à la faiblesse de la législation, de la règle. En sociologie, et je pense que c'est en partie vrai, on a tendance à dire que la règle donne du pouvoir à l'acteur faible. Donc la règle donne du pouvoir à l'acteur faible, un acteur qui a peu de ressources, qui a peu de ressources en pouvoir, eh bien la règle vient lui donner des ressources en pouvoir, vient le protéger. Et donc si vous acceptez ça, la règle, elle réduit aussi la capacité d'action du tout-puissant. Au début de la révolution industrielle, les entrepreneurs étaient des gens tout-puissants. La puissance de l'argent, la puissance du pouvoir politique, etc. Et donc, ils pouvaient user et abuser de cette puissance. La réglementation sur le temps de travail, concrètement, elle vient réduire, si vous voulez, la toute-puissance du patron. La réglementation, les premières réglementations qui ont été prises ici en Belgique, ce sont des réglementations qui portent sur le travail des enfants, le travail des femmes, sur la rémunération. Est-ce qu'un employeur pouvait payer en nature la rémunération due à ses travailleurs? Donc la loi vient encadrer, si vous voulez, la relation de travail, et je pense que fondamentalement, elle se fait plutôt en faveur du démuni par rapport à celui qui était tout puissant. Juste une parenthèse, une des premières revendications fortes du mouvement ouvrier a été le suffrage universel. Et donc c'est bien cette volonté quelque part de pouvoir exister dans le domaine politique avec comme perspective de pouvoir créer un cadre réglementaire, un cadre légal plus favorable. Donc, moins il y a de règles, plus quelque part la gestion peut être arbitraire. Je pense aussi que l'arbitraire va de pair avec quelque chose de très informel et va de pair avec quelque chose de très individualisé. J'ai vu à l'œuvre des politiques qui sont arbitraires, aujourd'hui encore, je veux dire, l'arbitraire est présent, n'a pas disparu. Et quand on regarde comment ça se passe, eh bien ça se passe dans des niches où il n'y a pas de règles et les décisions sont prises de manière excessivement individuelle. Vous venez me trouver, vous me demandez l'augmentation, et je vais dire oui ou je vais dire non. Mais sur base de quoi je vais dire oui, je vais dire non. Vous venez me trouver, je vais dire oui. Et puis, monsieur qui parle beaucoup vient me trouver, je vais lui dire non. Sur base de quoi réellement je dis oui, je dis non. De mon humeur, de mon bon vouloir, du fait que je vous apprécie ou je ne vous apprécie pas, de l'affectif, etc. Donc il y a là quelque chose qui est quand même très déstabilisant, parce que pourquoi certains on leur dit oui, pourquoi d'autres on leur dit non. Ça peut parfois très bien marcher, Et puis on sent bien que c'est un contexte qui est aussi favorable pour créer de la tension entre les individus. Vous avez bien compris, je pense que le modèle bureaucratique, lui, va renverser la perspective. Le modèle bureaucratique, c'est le règne de la règle, c'est le règne du règlement. Le dirigeant est un bon applicateur de la règle. Mais la règle, si vous voulez, lui retire ce pouvoir d'arbitraire. La règle dit que le travail commence à 8 heures. La règle dit que le travail finit à 16 heures. La règle est claire. Le dirigeant doit être le gardien de la règle. Pour avoir accès à une augmentation, eh bien, il faut avoir, dans le modèle bureaucratique, quels sont les critères qui sont valorisés par rapport à la question des salaires, de l'augmentation salariale? Oui. L'ancienneté, c'est typiquement un critère qui est valorisé par le modèle bureaucratique. Donc, mon premier exemple, le modèle arbitraire, vous venez me voir pour avoir une augmentation. Je suis de bonne humeur, je dis oui. Je suis de mauvaise humeur, je dis non. Le modèle bureaucratique, il y a des procédures, il y a des règles. Et typiquement, le modèle bureaucratique dit que pour avoir une augmentation, il faut avoir X années d'ancienneté. Vous l'avez, vous avez l'augmentation. Vous ne l'avez pas, vous n'avez pas l'augmentation. Mais vous voyez bien que je suis démuni. Donc la règle me prive, en tant que dirigeant, d'une partie de ma capacité d'action. Je ne peux plus décider comme bon me semble, j'applique la règle. Quels sont les autres dispositifs qui sont mis en place par le modèle bureaucratique pour gérer de manière objective le personnel? Donc on a dit qu'on a l'ancienneté. Quels sont les autres critères sur lesquels s'appuie le modèle bureaucratique? Les diplômes, hein, voilà. Pour avoir accès à telle fonction, vous devez avoir tel diplôme. Si vous n'avez pas accès, si vous n'avez pas ce diplôme, vous n'avez pas accès à la fonction. C'est clair. C'est la règle. D'accord? Et donc, je pense aussi que le modèle bureaucratique, c'est un modèle qui a développé des règles, des procédures, et qui a surinvesti certains domaines et peu investi d'autres domaines. Je pense que ce qui est hyper investi par le modèle bureaucratique, c'est la question des rémunérations. Ce qui est hyper investi par le modèle bureaucratique, c'est la question du temps de travail. Temps, rémunération. Ce qui est absent, sous-investi par le modèle bureaucratique, c'est ce qui relève de l'information, de la communication. Le modèle bureaucratique, historiquement, c'est un modèle dans lequel on communiquait, on attachait peu d'importance, si vous voulez, à la communication. Il y avait une transparence sur la règle, sur la réglementation, mais il n'y a pas véritablement de politique de communication comme vous en avez aujourd'hui dans les grandes entreprises. Et enfin, le modèle de la GRH, et on terminera là-dessus, c'est un modèle qui est très formalisé aussi, je pense. Très formalisé. Alors, c'est un point commun, quelque part, avec un modèle bureaucratique, dans le sens où il s'appuie sur des procédures, sur des règles. Donc, on ne fait pas les choses en fonction de la tête du client. On met en place des procédures, on applique des procédures, on gère à travers des procédures. En principe, il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas d'arbitraire. L'idée, quelque part, c'est que la règle évite l'arbitraire. Et donc, je pense que fondamentalement, le modèle bureaucratique, pardon, le modèle de la GRH comme modèle, c'est un modèle qui lutte contre l'arbitraire. Dans le sens où ce qui l'intéresse, c'est la performance des gens. Ce qui l'intéresse, c'est les compétences des gens. Le modèle de la GRH vise à promouvoir des gens compétents, des gens performants. Je pense que, on le verra la semaine prochaine, le modèle de la GRH organise une concurrence, organise une compétition entre les individus. Et pour que ce soit tenable, il faut quand même qu'il y ait des règles du jeu. S'il n'y a pas de règles du jeu, ça va être le plus gênant. Et donc, quelque part, les outils, les dispositifs de gestion viennent encadrer cette mise en compétition des individus. Et alors, c'est un modèle complet. Il est complet parce que, quelque part, il est présent dans tous les domaines qui relèvent de la gestion du personnel. Le modèle de la GRH, c'est un modèle qui communique, par exemple. A dit qu'il communiquait bien, mais il y a beaucoup de communication. C'est sans doute aussi un effet de, comment dire, lié au contexte. Le modèle bureaucratique, je vous ai dit, voilà, c'est les années 50, 60, on est quand même dans une société où l'information, la communication, où l'importance de l'information, la communication est peut-être moins prise au sérieux, en considération que ce qu'on observe aujourd'hui.